Okay. Over 9000 production. On a conquis la Guyane, on l'a rendu au Guyanais. On a gardé cours, fallait bien qu'on rentre chez nous. C'est pour qu'on se sentait pas bien chez vous. Mais les dragons préfèrent vivre dans la boue. J'ai rendu beaucoup d'entre vous complètement fous. Une vie 36 désirs, j'en ai déjà eu 3. Des allers-retours, j'en ai déjà fait 3.